J'ai descendu dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, pour y cueillir du romarin. Pour y cueillir du romarin, je n'en avais pas cueilli trois brins. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, j'en avais pas cueilli trois brins. J'en avais pas cueilli trois brins qu'un rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, qu'un rossignol vint sur ma main. Qu'un rossignol vint sur ma main. Il me dit trois mots en latin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Il me dit trois mots en latin. Il me dit trois mots en latin. Que les hommes ne valent rien. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Que les hommes ne valent rien. Que les hommes ne valent rien. Et les garçons, encore bien moins. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Et les garçons, encore bien moins. Et les garçons, encore bien moins. Des dames, ils ne me disent rien. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Des dames, ils ne me disent rien. Des dames, ils ne me disent rien. Mais des demoiselles, beaucoup de bien.